Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr et sur nos écrans.com pour le 17e numéro de Sur nos écrans. Cette semaine, nous allons vous proposer le débrief, même le bilan de la troisième saison de Arrow, la série de la CW. L'année passée, nous nous étions quittés sur une impression très très très positive, un vrai coup de cœur pour cette saison 2 et pour son final assez explosif. On va voir cette semaine si la saison 3 a continué sur la même lancée ou alors si Arrow s'est glissé sur une piste savonneuse et a complètement raté sa cible cette année. Je suis Mathieu et vous allez écouter la 17e édition de Sur nos écrans. My name is Bruce Wayne and I am the fastest man alive. If you don't listen to me, you'd be dead by morning. Well, there will be chaos. Reapers of blood in the street. Look around. The enemy has the advantage. They're screwing with the wrong people. There will be light. But we have to fight on for those we've lost. And then they'll disappear, become ghosts. To honor my friend's memory, I must be someone else. And something tells me it's gonna catch on. Et avec moi cette semaine, ah. Et Clément. Salut. Clément qui, la saison dernière, rappelez-vous, ne tarissait pas d'éloges sur la série. On va voir. Ça va vous faire bizarre, là. On va voir. Allez, comme de coutume depuis le début de ces bilans de saison, on va commencer par donner une note à la saison, ce qui va donner rapidement le ton de l'émission. Et puis après, on discutera de manière un petit peu anarchique, comme la saison 3, de la saison, donc. On va commencer, allez, dans le même ordre que celui dans lequel je vous ai présenté, Arnaud. Sur 5, c'est ça? Toujours sur 5, ouais. 2. 2, c'est ça? Ouais. Ok. Nib? Je dirais 3,75. 3,75 sur 5. Ouais, bah, j'hésite à mettre 4 parce que voilà, c'est une bonne saison, mais de là à dire. Pardon? 4. On n'en est pas encore là, Arnaud. On n'en est pas encore là. Arnaud, c'est bon. On se calme. Voilà. Clément? 1. Ouais. J'ai eu du mal à l'entendre, c'est pour ça. C'est tellement inattendu de ta part. Et pour moi, je... Ouais, 2. Ouais, 2 sur 5, c'est ça. Allez. Donc, on est plutôt dans une configuration où Nib a apprécié la saison, et puis où Arnaud, Clément et moi-même, on va dire que c'est pas vraiment le cas. On va commencer par quoi? Par, je sais même pas par quoi commencer, tellement... tellement... avant cette saison. Le plus marrant, ça aurait dû s'appeler Batman. Et pourquoi? Et parce que, mais enfin là, ça va être direct. Et quand Ra's al Ghul cherche à ce que Oliver Queen soit son successeur. Bah oui, ça c'est pas dire. C'est pas... Si vraiment tu t'arrêtes à ça, il y a plein de choses qui sont pas en rapport avec les comics. C'est infini. C'est pas le. Je pense pas que ce soit le souci principal de la saison. Ah, non. Moi, enfin, ouais. Ça peut être un souci, mais bon. Ils ont connu bien pire. Au moins, c'est un élément de la mythologie de l'univers DC, on va dire, qui est présenté. Bon. Alors, ils ont commis bien pire, Arnaud. Oula, la liste, tu veux une liste? Oula. Non, pas une liste, mais déjà un premier point, peut-être. Le pire, pour toi. Le pire, déjà, je pense, je sais pas si c'est le pire, en tout cas, quelque chose qui était bien gonflant, c'est l'intrigue autour de la mort de Sarah. Ça a traîné en longueur de la fin du season première jusqu'à plus de la moitié de la saison. Et c'était beaucoup trop long parce qu'au final, tout ça ne servait à rien puisqu'on sait qu'elle n'est pas morte. Enfin, qu'elle est morte mais qu'elle va ressusciter. Ou qu'elle est peut-être déjà, on ne sait pas d'ailleurs. Donc au final, tout ça pour rien. Et ça a mis en place tellement de personnages qui allaient droit dans le mur. Enfin, c'était un mélange de plein de choses ridicules. C'est juste gonflant, ouais. Je pense que c'est le mot gonflant. Ok. Qu'est-ce que le pire pour moi, tiens, parce qu'on est dans le pire, je sais même pas, en fait. Il y en a trop. Mais en fait, c'est que je me suis vraiment ennuyé, moi, cette année. Oui, moi aussi. Il y avait des bonnes idées, mais c'était tellement mal fait. Voilà. Intrigue autour de Ra's al Ghul qui va à tout prix que Oliver prenne sa succession, et du coup, tous les plans qu'il met en place, tout ça, et après Oliver qui accepte et qui ensuite. En fait, il est pas méchant, réellement méchant, il trompe ses amis, mais il les trompe pas réellement, tout ça. Il y avait des idées, mais c'était tellement mélangé, dans un gloopy-goopa ridicule de plein de choses, et puis, fait de telle manière ridicule, que, enfin, c'était juste ennuyeux, tu avais l'impression de voir plusieurs épisodes similaires à la suite, T'as l'impression que si t'en zappais 3, tu revenais la semaine, 3 semaines plus tard, t'avais vu la même chose. On va peut-être parler un peu de l'évolution des personnages sur cette saison. Peut-être le seul point positif. Alors, qu'est-ce qui était positif dans l'évolution du coup? Quel personnage plutôt? Quelle évolution positive Puisque Arnaud semble dire que c'était le seul point positif, donc du coup, qu'est-ce qui va être positif dans l'évolution des personnages et lesquels ont évolué dans le bon sens Théa sert plus ou moins quelque chose, elle commence à servir à quelque chose, alors qu'avant c'était le personnage qui était laissé de côté, que c'est l'un des rares personnages à pas connaître l'identité secrète de son frère. Bon, là pendant plus de la moitié de la saison, c'est toujours le cas, elle est toujours laissée de côté. Et ensuite, à la fin de la saison, voilà, elle arrive et elle découvre son identité. À la fin de la saison, elle évolue et là, elle devient vraiment aussi à son tour une justicière, elle devient Speedy, comme on attend depuis la saison. Et puis même, ça fait partie de l'ensemble de ce qui a été fait tout au long de la saison, d'introduire de plus en plus de personnages masqués et de personnages qui acceptent de devenir des justiciers, comme Laurel, qui à la suite de sa sœur, essaye de prendre la suite. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est bien. On en parlera sans doute après de l'oreille et tout ça. Mais au moins, je trouvais plaisant, voilà, qu'ils assument vraiment tout ce côté comics avec tous ces team-ups. Ils font bien des team-ups entre Arrow et Flash. Il y a un moment aussi dans l'univers de Arrow, ils avaient évolué par eux-mêmes. Et c'était ce qu'ils ont introduit depuis la saison 2 avec Sarah. C'est l'arrivée de plusieurs super-héros, et c'est ça qui a vraiment évolué dans cette saison 3 et que j'ai trouvé plutôt plaisant. Moi, s'il y a un truc à ressortir de positif, c'est ça. Ok. Nib sur l'évolution des personnages, toi, tout au long de la saison? Alors en fait, comment dire, l'évolution des personnages, je suis d'accord un petit peu avec ce qu'a dit Arnaud. Enfin, la sœur de Oliver, on la voit faire autre chose que se plaindre et détester son père, même si elle le déteste toujours, c'est sûr. Mais sinon, j'ai pas remarqué d'évolution notable. Si, t'as Roy qui se bat, ok. Rey, par contre, ah oui, Rey, gros coup de cœur, donc voilà, c'est. Sinon, j'ai pas noté d'évolution spéciale après. C'est Arrow, je regarde, mais vraiment pour regarder. Je connais peut-être pas le personnage, la saga, autant que toi, par exemple, Arnaud, quand je vois que tu. Enfin, quand je t'ai entendu parler tu lisais tout ça. Donc moi, je regarde d'un œil totalement nouveau. Donc j'ai pas de repère particulier. Je regarde, mais juste parce que voilà, c'est une série d'univers DC, donc je regarde, c'est tout, quoi. Ok, et du coup, tu as quand même mis 4 sur 5, du coup presque, enfin 3,75 à la saison. Qu'est-ce qui t'a plu? Bah, comme je disais, du coup, je connais un petit peu les bases là, puis après je rejoins Clément sur quand il dit oui, on devrait renommer le show Batman. C'est pas faux, c'est tu regardes dans la saison 2, t'avais Deathstroke, dans la 3, t'as Ra's al Ghul, tu dis ouais quand même quoi. Mais ce qui m'a plu, Bah, c'est du puis on se coup. dirige vers un personnage qui s'appelle Damian, enfin c'est... Ouais. Oui, voilà. Voilà, c'est pas faux. Mais disons ce qui m'a plu, bah, c'est le fait que justement, vu que je suis complètement détaché de la série Green Arrow. Je peux pas dire tiens non c'est pas ça dans le comics voilà. Donc oui il y a des points négatifs évidemment. Ra's al Ghul qui fait sa mère Macrae à dire Oliver prend ma place non merci quoi c'est ça j'ai pas apprécié du tout comme Ah bah ça Laurel qui dit c'est quand même on va quand même revenir 2 secondes dessus parce que c'est quand même la grosse aberration. Enfin, oui bah qu'est-ce qui leur est passé par la tête à vouloir que Green Arrow prenne la succession de Ra's al Ghul? Mais Il y a plein de trucs qui m'ont déçu, mais voilà, comme j'ai toujours un avis détaché du truc, ça reste quand même un bon divertissement pour moi. Mais par contre, tu me fous une série sur Spider-Man avec plein de conneries, là, c'est sûr, je te la défoncerai. Mais là, du coup, vu que je suis détaché, bah, je regarde, c'est pour ça que j'ai mis 3,75, quoi. Mais oui, des trucs qui m'ont déçu, il y en a beaucoup, dont l'épisode de fin, quoi. J'ai beau adorer Flash, pour moi, il n'y avait rien à foutre là. Voilà. C'est pas faux. Sur cette grosse partie, Ra's al Ghul, Clément, toi qui as dû beaucoup l'apprécier. Alors, ouais, non, ça m'a gonflé, ça m'a vraiment gonflé, c'était très lent, c'était chiant. Il y avait quand même, comment on appelle ça? Il y a une expression pour les séries télé, avec le requin là, je sais plus. Ouais, j'ai eu un peu le sentiment au bout d'un moment que ça commencer à être vraiment être ça. Non, même si je suis pas non plus un gros puriste que j'accepte qu'il s'éloigne un peu du support d'origine, là ça m'a quand même dérangé parce que j'ai eu l'impression Donc, Jésus, c'est une transposition de la mythologie de Batman à la mythologie de Green Arrow. La mythologie de Green Arrow et de Batman, c'est deux mythologies complètement différentes, avec leur univers propre et deux personnages totalement différents. Donc ça m'a dérangé, j'ai trouvé que ça n'a pas du tout bien fonctionné. Sur l'évolution des personnages, je suis un peu plus partagé, même si effectivement, j'ai bien aimé l'évolution de Théa. J'ai bien aimé la relation entre Théa et Malcolm, même franchement, le coup que Malcolm devient Ra's al Ghul, là, c'est ouais. Et franchement, le coup que Malcolm devient Ra's al Ghul. Ben en fait, ouais, Ra's al Ghul, ça devient un espèce de... De titre. Ouais, c'est ça, c'est un espèce de titre que tu chopes comme ça, dans une petite surprise. C'est n'importe quoi, ça aussi, ça va pas. Tiens, c'est moi le nouveau Ra's al Ghul, ok. Non, mais Ra's al Ghul est censé être menaçant et être l'un des plus grandes menaces pour la planète, enfin pour tout le monde. Et au final, le mec ne sert rien à part donner des ordres à des gens. Oui, c'est un mec qui sait se battre et qui a une armée. Non, mais à aucun moment, il a été menaçant dans la film. C'est ça. C'est vraiment un choix de casting décevant. Pour finir sur le personnage, en pire, la pire évolution crâne du personnage, c'est que Didi a été juste insupportable durant tout le long de la saison. J'avais qu'une envie, c'est qu'il ne l'a pas trouvé. Autant qui la saison 1, la saison 2... Ah, Felicity, okay. J'avais pas compris. J'avais pas compris de qui tu parlais, Felicity, ok. Oui, non, Felicity m'a gonflé le Holy comme les fans appellent ça, mais c'était juste chiant, c'était juste relou, ça tournait en rond, un pas en arrière, un pas en avant, mais c'est bon, quoi. Et puis on a eu notre triangle amoureux aussi de CW avec Ray. Et voilà, non, c'est mais ça. Là, c'est pire, quoi. Et qui était même un carré quand Barry Allen était là. Plein de choses, c'était affolant. J'ai l'impression que plein de personnages ont évolué en pleurnicheuses. Et puis, n'oublions quand même pas que c'est quand même l'année de Mama Smoke. Ouais. Ah. Okay, ça vous transforme. Ouais, non. C'était lourd, c'était juste, on va amener un personnage fun, ça va être drôle, ça va détendre un peu l'atmosphère, mais ils en faisaient trop, en fait, avec le personnage. Du coup, c'était plus drôle, ça devenait insupportable, voire un peu mal à l'aise. C'était un peu genre forcing, vous voyez, le personnage, il est drôle, il détend l'atmosphère, vous voyez pourquoi Felicity, elle est si drôle, machin. C'était un peu maladroit. C'est ça. Enfin, c'est mon ressenti. Oui, non, mais le personnage, voilà, c'était une espèce de grosse caricature d'elle-même. Il y a rien à garder de ce personnage. L'arrivée de personnages masqués, vous l'avez dit, et puis l'émergence d'Atom, c'était aussi dans Arrow, quand même. Ouais. Un Iron Man au rabais. Avec un mauvais acteur. Wouah, arrête, c'est bon. Ok, il n'a pas été top dans Superman, mais là, il est dans Atom, il est bien. Bon, il est top dans Rien du tout. Non, il est nul dans Chuck, il est nul dans Chosen. Il est nul dans Arrow, forcément. Il a tout le temps le même acteur. C'est ça, je le trouve un peu monocorne et un petit poil lisse par moment. Oui, voilà. Après, je sais pas si c'est parce qu'on s'est habitué au jeu de l'acteur, etc. Mais il m'a moins dérangé au fur et à mesure de la saison. Ah oui, au début, non, pareil. Il m'a insupporté. Et à la fin, c'est... Et au début, en fait, au début, t'avais même l'impression qu'il savait pas trop comment se déplacer, quoi. Il était un peu engoncé dans son rôle et dans son costume. Enfin, c'était... Genre, est-ce que je bouge là? Enfin, fais-moi un petit signe. C'était assez gênant, quoi. Il était hyper raide, ses bras, ses épaules qui étaient vachement hautes et tout. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure de la saison, il a quand même. Il s'est quand même un peu détendu, on va dire. Et il était plus appréciable. Bon, de toute façon, voilà. A priori, Atom, Ray Palmer, on en est débarrassé pour la série Arrow, parce qu'il va rejoindre le casting de Legends of Tomorrow. Ouais, mais ça commence l'année prochaine. Et puis il va y avoir plein de crossovers entre les trois séries. Ouais, mais ça commence l'année prochaine, mais c'est pas grave, vu qu'ils ont fait un cliff autour de lui sur la fin de saison. Après tout, on n'est pas obligé de le revoir maintenant. Surtout que maintenant on sait qu'il n'est pas mort, on sait comment il a survécu, donc. Voilà. D'ailleurs, après... c'était ridicule. Alors, ça aussi, ça reste à voir. La résolution est vraiment ridicule. Oui, non, de toute façon, oui. Il ne porte pas le costume, il est à côté, comment? Non, mais surtout, même s'il réfléchit, s'il avait été petit, comment il aurait pu résister au souffle de l'explosion, quoi. Ouais. Oui. Non, mais il y a plein d'incohérences. Après, le truc qui me dérange un petit peu dans ce qui a été introduit cette saison, alors la mythologie autour de Ra's al Ghul, machin, tout ça, pourquoi pas. Après, ce dont j'ai peur, c'est que maintenant qu'ils ont le puits, parce que c'est quand même Malcolm qui contrôle le puits, donc il est plutôt de leur côté, a priori, maintenant qu'ils ont ça, j'ai peur que ça devienne le prétexte à tuer tout le monde et n'importe qui, et hop, un petit coup de puits, et hop, enfin, la solution un peu de facilité, quoi. Ouais, c'est Attends, difficile, elle va c'est un gros traître, hein, éclater. Malcolm. Oui, Malcolm a beau être un... Bah, pff, il a beau être un traître Ouais, quand ça reste un même. gentil au fond quand même parce qu'il les aide, etc. Enfin, c'est un méchant un peu de pacotille. Le méchant pourrait être là, mais il est un peu ambigu, donc on va dire qu'il fait des actions un petit peu méchantes, mais il les aide quand même, donc il est pas si méchant qu'il veut aider sa fille, donc il est un petit peu gentil quand même. Donc c'est un peu ambigu, mais au final, il fera toujours la bonne action pour aider. Donc on sait que c'est pas vraiment un véritable ennemi qui va vraiment leur mettre des gros bâtons dans les roues. Plus maintenant, en tout cas, ouais. Après, ouais, il doit quand même sa place de Ra's al Ghul, voilà, à Arrow et à toute son et à son équipe. Donc, il y a peu de chances que maintenant, ouais, il leur pose de problèmes. Bien, alors je sais même. Ah si, si quand même. Peut-être une des seules choses que moi j'ai apprécié cette saison, les flashbacks. Ah bon? Ta gueule! Bah, écoute, à côté du reste. Alors, ils ont tiré l'intrigue sur la longueur, c'était chiant. Genre, Ouais, mais t'avais au des moins. flashs, ça durait deux, même pas, une minute, Mais pour dire, ah, on sort de la boutique, vite, allons chercher le remède. Et fin du flash. Flash suivant, vite, on a trouvé le remède, retournons dans la boutique. oui, mais au Ça moins, n'avait aucun intérêt, je pense. au moins, quand tu prends ces flashbacks et que tu les mets bout à bout, t'as une intrigue sur toute la saison qui est bouclée, qui se tient à peu près, qui a un rapport C'était déjà avec. le cas l'année précédente, hein. Oui, mais sauf que les Ouais. années précédentes, le reste était meilleur. Le présent était meilleur et du coup, voilà. Flashback aussi était meilleur dans les précédents. Parce que là, si tu... Oui, non, mais bien sûr, tout était meilleur. Mais quand tu prends les flashbacks, voilà, t'as une intrigue, machin, ce que je viens de dire, et quand tu prends les parties dans le présent, t'as pas ça. T'as pas une intrigue cohérente qui se tient et qui Non, tient la t'as route ou des machin. arcs, hein. Mais c'est ça, c'est qu'ils ont tenté une nouvelle structure, c'est une structure avec plusieurs arcs. Hein. Il y a eu l'arc autour de Sarah dans toute la première partie. Ensuite, il y a eu l'arc, il y a eu un arc, bah, la disparition d'Oliver. Comment ils font, comment ils occupent de la ville, comment ils construisent une nouvelle équipe avec les nouveaux super-héros qui arrivent. Ensuite, il y a eu l'arc autour de l'arrestation d'Oliver et de la disparition de Roy. Et ensuite, il y a eu tout le dernier arc de Oliver qui faisait semblant d'être avec Raz. Ils ont essayé une structure en plusieurs arcs. Au lieu d'avoir une très très longue intrigue, ils ont mis sur 22 épisodes, qui avec des épisodes qui ne servaient strictement à rien, comme on a pu voir avant. Non, pas ben, la structure, moi, m'a pas dérangé. Et en plus, dans les flashbacks, il y avait beaucoup d'incohérences. Et t'avais des éléments qui nous ont dévoilés très tard dans la saison. On avait déjà compris avec des dialogues du présent, 10 ou 15 épisodes avant. Genre la Ah mort bah oui, bien d'Akio, sûr. on l'avait compris très tôt. Mais bien Et en sûr. plus, ils n'arrêtaient pas de faire des références dans le présent et dans les flashbacks pour juste vous montrer au final, dire vous avez vu, il est mort, hein, dans le final, alors qu'on le savait depuis Ouais, au moins mais l'épisode. on le savait qu'il était mort, mais à la rigueur, on attendait de voir comment. Ouais, On s'en mais fout. Enfin, moi, personnellement, j'en avais rien à foutre. Hein. moi Déjà, aussi, je savais qu'il était mort, donc je m'en foutais un petit peu. mais Mais en plus de l'histoire, c'était pas intéressant. C'était parler. tiré sur la corde jusqu'au bout. C'était ennuyeux. Parler en plus du mot comment il est mort, bah parlons-en du comment il est mort. Ah bah après, j'ai pas dit que Parce que c'était... franchement, j'ai trouvé ça d'un rythme. Ah oui, non mais franchement, faut le faire, parce que honnêtement, je m'attendais tout, sauf qu'à ce que l'élément d'un flashback soit comme par hasard, mais comme par hasard, comme par hasard, il y a une conséquence sur l'épisode du final, enfin le coup là du l'oméga alpha oméga du produit chimique là, la bombe en gros une bombe bactériologique, une connerie comme ça, Oui, enfin, c'est un super virus, quoi. ouais, un super virus. Et franchement, c'est d'un ridicule. J'ai trouvé ça ridicule, pas du tout crédible, et c'est Oui, le coup irréfutable. de virus qui se libère parce qu'il se tranche la gorge, c'était ridicule. Le virus, il se tranche la gorge, mais il tire une balle et ça y est, le virus, il se propage plus. Il a toujours la gorge ouverte, mais le virus ne se propage plus. Et puis le virus, il se propage que autour du mec, hein, alors que l'air, ça se balade partout. Mais non, seulement dans un petit périmètre autour. Hein. Non, Ouais, c'était non, mais ça. c'est Alpha et c'est Oméga, Il oui, y a forcément. tellement d'incohérences. Justement, Arnaud, tout à l'heure, tu parlais d'une structure en arche cette saison. Parmi tous les arcs que tu as cités, lequel se dégage dans le bon sens, on va dire? Pour moi, il y en a un, Peut-être c'est la là, période sans Oliver, mais après. c'est ce que j'allais dire. C'est justement, il n'y avait plus Oliver, ça fonctionnait très bien. Du coup, c'est là qu'on a réalisé qu'en fait, Oliver, on nous le vend comme le héros, c'est lui qui porte l'équipe, tout ça. Mais au final, on pourrait très bien se passer de lui. Ça marchait très bien, les intrigues, ça marchait très bien. Les relations entre les personnages étaient plaisantes à voir. Enfin, moi, ça m'a vraiment pas dérangé, il m'a pas manqué le personnage, vraiment pas. Pareil, et en termes de bonnes surprises, en termes, on va dire, de relation dans les personnages, ou en tout cas la révélation d'un personnage, j'avais peur d'être gonflé, de voir ridicule, et j'ai plutôt été agréablement surpris par Black Canary, finalement. J'avais peur au début de prendre des moments. Ah. Nip se réveille. Non, je suis là, non, mais j'écoute, hein. Black Canary, ça t'a fait réagir. Oui, parce que j'ai rien contre Laurel, mais dire que c'est Black Canary, il y a des limites, quoi. On peut pas le connaître non plus, quoi. Puis, quand t'as Cisco qui lui fait son gadget et quand on voit comment elle s'en sert, c'est. Ouais, c'est Cisco ridicule, était meilleur. Hein. Vomi, quoi. Cisco était meilleur, hein, parce que quand on voit le cri. Non, mais même l'actrice, pourquoi est-ce que l'actrice se met limite à quatre pattes en ouvrant la bouche pour faire semblant qu'elle crie? C'est un ridicule. Peut-être, c'est pour ça. Peut-être qu'elle pense qu'un canari, ça a quatre pattes. Canari mutant. Peut-être. Et que du coup, elle imite le canari et qu'en fait. Non, c'est juste ridicule. Je sais pas, j'essaie toujours de me l'expliquer. Donc, c'est peut-être juste pour montrer son cul. Peut-être. On est sur un site de Blue, donc ce serait pas étonnant. Voilà. D'ailleurs, tu vois, on est sur la CW, mais on n'a pas tant vu de peau nue que ça cette année. C'est pas faux. Felicity. Ouais, il y a eu quand même pas mal. Datsen avec Felicity et Oliver, oui, super. Oh, oui. Hyper, hyper bien filmé en plus, hyper bien faite. Ouais. Ça a émoustillé tout le monde dans l'assemblée, ça c'est ah, sûr. Ah bah là. Mais ouais, non, mais à part ce micro-passage, c'est vrai qu'ils sont plutôt restés habillés. À la rigueur, c'est presque Ray Palmer qui était le plus à poil dans toute. Felicity bave, hein. C'est ça. D'ailleurs, lui aussi, il fait des tractions. Ouais. Ça doit être un sport national là-bas. Je sais pas. Bref. Et est-ce qu'on en parle de Roy? Ah, non, on l'oublie. Il ne sert plus à rien. On s'en fout. Tout le monde l'a oublié, on peut faire autant. Ouais, mais bon, c'est un peu dommage, c'est qu'on c'est l'a la pas déception. Vu parce qu'il y avait son film à tourner, je crois. Non, il a peut-être voulu quitter la série. Bah, apparemment, il va peut-être revenir la saison prochaine. Ah oh, merde. Moi, c'est ma déception, hein. C'est ma déception cette année. J'aurais aimé le voir plus en avant, plus le voir, surtout la période où Oliver était pas là, etc. Enfin, je le voyais vraiment à prendre le relais et tout. Et au final, ouais, j'étais hyper déçu par ce personnage que j'avais, dans la saison précédente, il montrait du potentiel. Et du coup, là, j'avais envie un peu de le voir se prendre en main et de le voir un peu, prendre la place, quoi. Et non, quoi. À la rigueur, le personnage a montré plus de potentiel en tant que leadership. Bon, ça, c'est avalé petit à petit. Pour moi, ça reste Deagle. Je trouve le personnage est devenu l'un des plus intéressants. Et des moins relous. Oui, c'est vrai qu'il est plutôt. Il a plutôt une évolution sympa sur l'année. Sur la fin de saison, ils étaient tous énervants. Le coup de l'intrigue de Oliver, on peut faire confiance à Oliver, mais en fait non, et puis en fait si, puis en fait non. C'était tout, c'est énervant. Ouais, non, mais là, c'était plus le côté CW qui s'exprimait que la série, j'ai l'impression. Mais non, c'est vrai que Deagle a quand même quelque chose d'intéressant. Moi, en tout cas, j'ai envie de savoir ce qu'il va devenir l'année prochaine, surtout qu'il va endosser un costume, visiblement. Donc... C'est ça. Ouais. Une grosse surprise. Enfin, il est temps, puisqu'on s'en fait déjà depuis la saison 2, qu'on se demande vraiment quand est-ce qu'il va porter un masque, au moins. Voilà. Bah, il l'a porté à un moment, hein, quand il a pris la relève de Green Arrow. Oui, enfin, c'était un épisode ou deux. Non, mais je me suis dit tellement c'était... Comment dire ? Mauvais. Je me suis dit, j'espère quand même que tout ce qu'ils nous ont dit sur Deagle va porter un masque, c'était pas ça. Non. Heureusement, c'est pas ça. Et dans la saison 4, il y a quelque chose de prévu pour lui. C'est un peu sa saison, apparemment. Donc, moi, j'ai envie de ça. C'est presque le seul personnage, maintenant que cette saison est terminée, c'est presque le seul pour lequel j'ai envie de voir ce qu'il va devenir. Pareil. Les autres, je n'en ai rien à taper. Aussi, la sœur d'Oliver, quand même. Ouais. Même pas. Même pas, oui. Elle aurait pu se noyer dans le puits, ça m'aurait pas. ça m'aurait pas dérangé. D'ailleurs, quelle belle sortie du puits. Ouais. Oh oui. Incroyable. Il y a d'ailleurs une catapulte au fond. C'est ça. Non, ouais, c'était un peu exagéré, quoi, un peu forcé, quoi, comme toute la saison finalement. C'est une saison très forcée, quoi. Ils ont forcé sur tout. J'arrive pas à comprendre comment, après une saison 2 pareille, on peut se perdre comme ça. Ça tient pas à grand chose finalement, c'est dingue. Ça me ferait presque craindre pour Agents of Shield l'année prochaine. Est-ce qu'on a fait le tour de la saison? Presque. Bah, si j'ai peut-être un petit truc, là, je l'ai en tête depuis tout à l'heure, faut que ça sorte, sinon je vais oublier. Vas-y. Pour revenir sur le point que Arrow copie, enfin, copie pas, mais s'inspire beaucoup, beaucoup de Batman, j'ai envie de dire, ça se ressent jusque dans le final, en fait. Alors Et, vas-y, si tu veux développer. bah, si j'en ai parlé sur le point TV, c'est pour moi, quand j'ai vu la fin de ce que fait Oliver, j'ai revu, j'ai revomi Dark Knight Rises, en fait. Ah bah oui, non mais de toute façon. Mais la fin où le mec se bat avec sa nana et qui dit ouais salut les gars je me casse pendant 3 saisons j'ai voulu me protéger maintenant démerdez-vous ah ouais quand même j'ai revu Batman et là j'ai fait mais non c'est pas possible quoi comment tu veux relancer une série après un final comme ça Bah, ils sont un peu tirés une balle dans le pied. Hein. Et puis, quand on nous annonce que la saison 4 sera une saison plus lumineuse, plus joyeuse, plus machin, mais what? Bah oui, bah, va tirer à cause du tirer des succès fleurs en fait. de Flash, hein. À cause du succès de Flash. Mais oui, mais Flash est un personnage et il appartient Ah à non, un mais ils l'ont dit, univers hein. qui permet de faire ça. Ils l'ont. Mais pas Green Arrow. Non, mais ils l'ont dit. Les audiences, c'est simple. Les audiences de Arrow baissent. Flash est la meilleure série de la chaîne. Il y a de plus en plus de crossover avec. Du coup, ils ont fait le rapprochement. Ils se sont dit, on va faire un truc plus sympa, plus joyeux. Sauf que, enfin, Green Arrow, c'est pas ça, quoi. Le meilleur de Green Arrow, c'est quand même quand il s'occupe de sa ville, quand il a affaire à des problèmes liés à la société. Enfin, c'est Ah pas. non, je suis d'accord. Juste leur raisonnement. N'oubliez pas, Oliver est heureux. Oui, c'est Bisounours Quelle maintenant. connerie. Non mais c'est clair, c'est n'importe quoi. C'est le final, c'est pas vrai. Ah bah le final de toute façon voilà je comptais conclure là-dessus pour le bilan de la saison. Le final c'est grotesque. Ouais, c'est C'est n'importe quoi. grotesque au possible. C'est mauvais, à l'image de la saison 3. Bah, c'est ce problème. Mais non, mais même l'épisode, s'il est construit, les personnages de l'épisode précédent vont crever. Tu dis comment ils vont s'en sortir? Ah bah en fait, Malcolm, il a un truc sur la peau, on sait pas ce que c'est. Il les vaccine tous, la flash qui arrive et ils sont pas. Ouais, c'est D'accord, pareil, ok. le coût de la vaccination, Ciao. chaud. Non mais c'est n'importe quoi tout dans l'épisode et encore au début j'étais tout content de voir Flash. Là je me suis dit mais en fait non quoi c'est pas il y a pas besoin. Puis Oliver non je suis Oliver Queen. Ra's al Ghul saute de l'avion vas-y. En même temps, Flash. y a pas besoin, mais je trouve l'image de Flash qui vient sauver tout le monde un peu intéressante. Flash est venu sauver la série. Bah ouais mais ouais métaphoriquement c'est super mais comment et quand Oliver a pu prévenir Flash? Tout comme dans l'épisode de Flash où il était Alors, on venu sait avec quand est-ce qu'il. Firestorm, Par contre, ça, comment pour le il coup, on le sait. On le sait quand est-ce qu'il l'a prévenu. Bah je veux Quand bien savoir. Oliver a fait son passage dans la série Flash à la toute fin de saison, il était avec sa tenue de Ra's al Ghul. Ah oui. Et Flash lui a fait la remarque, tiens, t'as changé de tenue, machin. Il dit oui, je suis en train de tenter autre chose. Et il lui dit à la fin, avant qu'ils se séparent, je pourrais avoir besoin de toi bientôt. Je vais Enfin, avoir besoin d'une voilà. faveur. Voilà, je voilà, Ouais. genre. Et c'est ça. Mais le problème, c'est comment le mec, il était avec Ra's al Ghul. Il pouvait pas Ouais. partir. Hein. Ouais, Il était censé voilà. avoir oublié sa vie précédente. Il Exactement. était censé ne plus être Oliver Queen. Le mec, il arrive quand même à s'absenter pour aller à aller à Central City, Normal. aider son pote. Hein. Mais oui, mais Mais c'est c'est normal. quand Où est la même. logique? Mais ça, c'est quand il est revenu sur Starling avec la clique là pour. Ah bon? Ah bon? Et ils se Et genre, sont il pas a demandé planté pourquoi comme il ça, s'était quoi. barré tout seul. Ah oui, non, mais ça c'est encore autre chose. Mais c'est à l'époque, au moins à la rigueur, il revient aux États-Unis à ce moment-là. C'est ça que ça Voilà. correspond. C'est la même semaine où, Ah mais la ou dans séquence les arrive mêmes comme. semaines en tout cas. Le moment où il revient à Starling et où il enlève la femme de Deagle, là, c'est la même semaine que. C'était dans l'épisode avant le final, parce que comme il y avait une semaine de décalage entre Flash et Arrow. Oui, sur Flash, c'était juste avant le final. C'était pas très longtemps avant le final. Non, non, mais Ouais. dans l'épisode de Arrow, justement, il y avait une semaine de décalage. Il y avait un épisode de plus pour Ouais. Flash. Ouais, non, non, mais ça coïncidait à peu près. Ça m'a pas choqué du coup parce que ça coïncidait à peu près. Enfin, c'est incohérent quand même. Mais Ouais, du mais coup, ça c'est reste un peu comme un feu bizarre sur qu'il la ait pu s'absenter et tout saison. ça, on est d'accord. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis après, faut pas oublier non plus que Flash était quand même aux prises avec Harrison Wells, River Flash et compagnie, et que peut-être il avait autre chose à foutre que d'aller vider une prison. Mais bon, ça, c'est autre chose. Bon. Bah, c'est triste parce qu'en fait, c'est un bilan de saison et il y a plus de blanc que d'autres choses. Bah, C'est disons que ouais, dommage. c'est un bilan de saison, mais enfin moi On fait chier. j'ai presque envie de dire que j'attends que la saison commence, quoi. J'ai rien eu vraiment de super bien à me mettre sous la dent. On a quand même eu 24 épisodes et il y en a peut-être 3 ou 4 que je retiens et c'est quand le héros n'est pas là, quoi. C'est quand même. Ouais. À la rigueur, je pense qu'il sera bien dans sa série Legends of Tomorrow. Je pense que la série Arrow, c'est pas du tout la place d'un personnage comme ça. Ouais, mais il apportait une petite touche de fraîcheur à la série, quoi, au moment où on se faisait chier. Je sais que, voilà, Arrow, ouais, je Après, c'est regardais, vrai qu'on quoi. peut lui Et trouver cet intérêt-là. voilà, c'est ça. Puis quand, oh, Atom, ah, trop bien, du coup, je suis replongé dedans, quoi. Et Atome après, trop bon. bien, Atome trop bien. Ouais, mais bon, avec tout Ah, moi, j'ai l'aspect apprécié un peu, scientifique quoi. qu'il apporte, il ne correspond pas à la série. Non, il Il correspond pas à la série, et aurait c'est eu bien. plus de sa place à la limite dans Flash. Hein. Et qu'est-ce qui correspond à la série? Bah, Bah, déjà moins d'humour. pas même à Smoke non plus. Voilà, c'est ça, moins d'humour, hein, au final. Ah oui, mais regarde. Le meilleur de Arrow, c'est quand même quand t'as la liste des heures les plus sombres dans la saison 2. En fait, tout s'est barré en vrille à partir du moment où Ra's al Ghul est entré en scène, quoi. C'est ça. Là, c'est devenu un truc, mais ils ont lâché les chevaux, sauf qu'ils avaient aussi lâché la bride, quoi. Ils étaient incapables d'arrêter la machine. Ils se sont emballés tout seuls. Et c'est. Alors après, c'est sûr que pour rétro-pédaler, c'est pas facile, hein, quand on a lancé un truc comme ça. Et 10 fois par épisode, je veux que tu sois le prochain Ra's al Ghul. Ah bah ça, on avait compris, oui. Sérieux, quoi. Jusqu'au petit changement du générique, là. C'est ça. Ah oui, ça, par contre, c'est de sympa, ce petit clin d'œil Bah, au symbolique. moins ils sont cohérents. Oui, c'est ça. On peut pas leur enlever ça. Ils ont au moins un élément de cohérence. C'est ça. Mais non, mais le coup de Merlin qui devient le seul ennemi de Green Arrow au passage, qui devient Ra's al Ghul, un des ennemis de Batman. Ouais. Oui, bah de toute façon on n'est plus à ça près. Oui, c'est pas le pire. Oui, et puis genre, c'est là qui va Même s'il devenir élevait la Xavier, hein, technologie, c'est pas trop grave. Non, puis on n'est Après, pas. ça dépend de ce qu'ils en font. On n'est pas un viol frère, c'est tout. Non, mais voilà, on n'est pas, c'est pas grave. Enfin, c'est pas très très grave à la rigueur. Que Ra's al Ghul apparaisse dans l'univers de Green Arrow ou dans l'univers de Flash, Oui, à la rigueur, je m'en fous. C'est un c'est personnage de DC, chez quoi. DC. Ouais. Mais c'est pour en faire ça, bon. C'est un peu embêtant. Disons que t'as. Puis même la Ligue des Assassins, quoi. Au début, on a quand même. La Ligue des Assassins, quoi, merde. Ils se posent là, quoi. Je veux dire, ils sont dévastateurs et tu te demandes qui peut les battre, ne serait-ce que les assassins. À la fin, c'est des espèces de quilles. Il suffit de leur lancer un truc, ils tombent tous. C'est ça. Tiens, prends ma surface. Ah merde, Miguel. Ils ont quand même perdu, voilà, de leur Même Laurel, crédibilité, elle quoi. arrive à leur péter la gueule, même Félicity. C'est ça, même Laurel. D'ailleurs, qu'est-ce qui devient Black Cat? Non. Ah, Wildcat. Wildcat, oui, excusez-moi. Il s'est pas fait défoncer la gueule pendant une émeute? Bah Il s'est oui, mais pas barré? c'est pas Je pour crois ça qu'il est qu'il. parti. Oui, Ah, il est parti, je crois. d'accord. Il me Bon, semble bah, qu'il a quitté salut. la ville. Hein. Merci d'être passé. C'est ça. Parce qu'à l'arrière, il aurait pu être sympa, mais. Oui. Ouais. Parce On qu'il y l'a vu avait. deux, trois fois, pas plus. Il y avait un potentiel pour le personnage et tout, ça aurait pu donner quelque chose, et ouais, bon. Mais c'est pas grave, Ra's al Ghul est arrivé. Bon, voilà, on va pas s'attarder plus que ça sur la saison 3 d'Arrow. On verra l'année prochaine ce que ça donne. D'ailleurs, reviendrez-vous à la série la saison prochaine? Oui. Oui, quand même. Oui, quand On même. verra. Et Clément? Oui, quand même. La seule chose qui pourrait, moi, m'y faire revenir, et ça m'emmerde, hein, la seule chose qui peut m'y faire revenir, c'est à cause de la cohérence et de la cohésion avec les deux autres séries qui m'intéressent. Ouais. Et me dire que je vais être obligé de regarder Arrow parce que peut-être il y a des choses qui vont être liées aux deux séries que. Enfin, en tout cas, à Flash que Même pas j'apprécie peut-être. et à Legends of Tomorrow qui a l'air de me plaire, d'après ce qu'on en sait et de ce qu'on en voit. Oh oui. Ça m'embête un peu, quoi. Mais enfin Je regarde pas pour toi si tu veux, t'inquiète C'est ça, je regarderai tes résumés. Dans le point d'ici, ça sera très Ils vont peut-être se rattraper l'année prochaine. Ouf. Vu Ils ont eu une la. saison et demie sympa. Ils ont eu une saison et demie sympa. Entre la moitié de la première et la deux, c'était bien. Ouais, mais vu Peut-être qu'ils l'orientation vont se qu'ils donnent à la rattraper. fin du final, là, si tu veux. Ah, peut-être qu'au début, ça va encore un peu pêcher, être un peu pourri. Peut-être qu'ils vont réussir à recalibrer quelque chose d'intéressant au bout de 5-6 épisodes. On verra, on verra. Mais surtout qu'il dit clairement qu'il ne portera plus le costume d'Arrow, donc. Est-ce qu'il a fait un jeu de mots et C'est qu'il parce oh, il l'a qu'il mis. dit ça, Ça il veut portera plus le dire costume d'Arrow parce qu'au final, il portera le costume de Green Arrow. Voilà, Voilà, enfin là, exactement. ça sent un peu ça quand même, hein, mais bon. C'est ça. Surtout que quand j'avais lu une interview avec Stephen Amell, il lui avait posé cette question-là, il a dit, ah bah vous verrez bien. En gros, c'était oui, Oui, c'était un voilà. oui caché. Oui, mais je peux pas le dire. C'est C'est ça. bizarre, bah alors, c'est. Il porte le. Quand on voit son costume qu'il porte dans le trailer de Legend of Tomorrow, c'est encore le costume d'Arrow. Et là, je me pose des questions, quoi. Bah oui, ça À ne quel moment ça bah passe? ah, Legends of Tomorrow, ça commencera en janvier, ça laisse le temps à Green Arrow d'arriver d'ici novembre ou décembre. C'est ça. Bon, enfin, allez, on va pas se faire la saison 4 avant de l'avoir vue, hein. Hein. Bon, mais remarquez, ça serait bien pratique, au moins on n'aurait pas à la regarder. Et on ne sera pas déçus. Mais bon. Ça sera intéressant, en tout cas, dans quelques semaines, là, une fois qu'on fera le gros bilan global de la saison, de voir par rapport à d'autres séries, où est-ce qu'on va la situer. Enfin voilà, je pense à des Constantine, peut-être même à des Gotham. Enfin voilà, il y en a quand même un paquet de séries cette année là qui peuvent rivaliser pour le même titre, j'ai envie de dire. Donc Bon, moi j'ai déjà trouvé ma hiérarchie. ça peut être intéressant, voilà. Le choix est vite fait pour certaines. Oui, non, mais le choix est presque fait aussi pour moi, mais voilà, on verra. En tout cas, on va s'arrêter là pour cette semaine. Les prochains rendez-vous samedi, enfin, ou ce week-end en tout cas, pour la Padawan édition numéro 15 qui sera consacrée à l'autre archer, c'est-à-dire à Hawkeye. On parlera de Hawkeye dans les comics, notamment le dernier run de Matt Fraction, et puis rapidement de sa version adaptée dans le MCU. Mardi prochain, c'est le mag numéro 17, 18, 17? 17, c'est le Mac numéro 17 qui vous attend. Et puis jeudi prochain, on se retrouve pour le 18e numéro de Sur nos écrans, où là, on vous fera le bilan de la première saison de The Flash. D'ici là, bonne lecture, bonne série, et à bientôt. Salut. Salut.